contenu sur 4 salles virtuelles. Plus de 200 heures de contenu, dont des premières mondiales, grand entretien avec Jean-Marc Vallée, Pianorama et encore plus. Détails et billetterie sur fcvq.ca. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Marc Chaunet à la mise en onde et au choix musical. Alors j'ai plein de nouveautés pour vous ce soir avec une deuxième extrait du nouveau Wobbler qui va sortir là, le 23 octobre. On avait un extrait la semaine dernière en exclusivité, vraiment bon. Alors on a une deuxième pièce ce soir. C'est la pièce Five Rooms. C'est une pièce sur laquelle vous pouvez voir une vidéo. C'est la pièce promotionnelle, là, si on veut, de cet album-là. Mais juste avant, la nouveauté de Richard Schoblum's Gongfly. Vous savez que Gongfly, c'est son projet solo. C'est leur sixième album qui vient de paraître là, le 4 septembre. Un album assez personnel avec des chansons que je dirais d'amour déchu un peu à la Gongfly, c'est son style en solo, il fait souvent des pièces comme ça. Il y a une excellente pièce sur ça, là, la pièce On the Shoulders of Giants. Alors on débute l'émission avec ça, c'est suivi de Wobbler, puis on aura aussi une courte instrumentale qui est une pièce Bonnie de l'album de Richard Schoblum, de l'album Alone Together. On y va tout de suite en musique avec Richard Schoblum. Absolutely free. Looking Could hear one of them whispering something that just wait. I thought I could see your face in the mist. Wait, oh, just wait. This isn't just a remix to repent. Wait, oh, just wait. I really need to get out of this room. CKRL tient à remercier tous ces artistes, bénévoles et auditeurs qui ont contribué au rayonnement et à la réussite du Radioton. C'est grâce à votre implication et votre dévouement que CKRL fait rayonner tous les arts médiatiques et poursuit sa mission de communicateur dans la grande région de Québec. À la Boîte à pain, offrez-vous le bonheur de nos cinq spécialités. Les viennoiseries croustillantes et croquantes. Nos sandwichs savoureux et originaux. Les pizzas authentiques et napolitaines. Nos pâtisseries exquises et délicates. Et bien entendu, notre pain succulent et nourrissant. La Boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Boîteapain.com. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mardi de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et en prestation au 380 rue Dorchester. Sortie culturelle, c'est le mardi de 17h30 à 19h30 à CKRL 89.1. CKRL 89.1. L'écho que m'apporte la chanson du vent me rappelle des souvenirs de toi. Retrouvez Jordan en diffusion sur CKRL. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes et que la nuit rencontre le jour, je suis seule avec mes rêves sur la montagne. Je suis seule, je ne veux penser qu'à toi. Now when the sun says good day to the mountains and the night says hello to the dawn, I'm alone with my dreams on the hilltop. I hear his voice though he's gone. De retour à Terra Incognita, est-ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Richard Schaubloom et son projet Gongfly, c'est le nouvel album Alone Together. Et on a entendu, juste pour finir le bloc, là, une courte pièce instrumentale là, qui est une pièce Bonnie, qui est sur cet album-là, la pièce Growth Thoughts. Juste avant, Wobbler et leur album qui va paraître le 23 septembre prochain, leur nouvel album Dwellers of the Deep, qui sera leur cinquième album de la Norvège. Donc, c'était la pièce Five Rooms, et on avait débuté avec Gongfly et la pièce On the Shoulders of Giants. Alors, on poursuit maintenant avec une formation italienne. Là. On a fait un spécial. Michel avait préparé ça avec la collaboration du groupe au mois de juillet. Le groupe Logos. Le groupe, c'est leur quatrième album. On se souvient de leur précédent, là, il y a au moins 3 ou 4 ans, là, qui avait été très bon. Et cette fois-ci, c'est sur une jeune japonaise, Sadako. Et donc, le titre de l'album, c'est Sadako et les mille grues di carta. Alors, et les mille grues en papier. Des petits oiseaux, des petites grues. Alors, c'est une japonaise qui est née à Hiroshima en 43, puis elle est décédée jeune suite des leucémies en lien avec la bombe. Là. Donc, elle est devenue un symbole de la paix là-bas pour ces mille petits oiseaux faits en origami. Puis, on voit ça sur la pochette. L'album est très bon. On ira avec la pièce titre de cet album. Et ça sera suivi du groupe norvégien Motor Psycho. Leur nouvel album, eux, ils en ont fait des albums. C'est leur 24e en carrière. Leur premier était en 1991. Alors, ils poursuivent là, d'album en album, celui-là. L'album s'intitule The All Is One, et on aura la pièce de Magpie, mais tout d'abord, Logos et Sadako. Tout de suite en musique. Thank you.

cambiato, cambiando colore, dal bianco all'arancio, fondendosi al sole. Non solo la morte ha lo stesso rumore, le guerre, la fame, la trama, il potere, la voce ascolta scioccata dal cielo degli uomini d'oggi, il brutale pensiero. Quando è morto l'altruismo, quanto regna la prosperità, Dio, disgusto ed egoismo. Lontana qui arriva solo qualche marathon de CKRL fut une réussite grâce à la générosité et à la collaboration de nos partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la Corrigan, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château Laurier. Merci de participer à la relance de la vie culturelle de Québec en écoutant CKRL. C'est quoi le plan aujourd'hui? La vie normale reprend son cours. Quittez votre sofa immédiatement. À un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Avec eux, on retrouve nos habitudes. On risque de tomber en amour. Lundi, ça vaut le coup. Mardi, moi je mange. Mercredi, format familial. Et jeudi, l'indice McSween. C'est presque aussi bon qu'une chanson. Le monde entier respire un peu mieux. Oui! Dossier réglé. Découvrez nos magazines du lundi au jeudi, 19h30. On regarde ça. Et tout le temps sur téléquébec.tv. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Long & McQuaid, le magasin d'instruments de musique à Québec, vous offre la vente et la location d'instruments de musique, d'équipements de sonorisation et d'enregistrement, d'un service de lutherie et de réparation d'instruments à vent, de consultants en services éducationnels et d'une école de musique. Venez rencontrer notre équipe passionnée et attentionnée qui saura être à votre écoute afin de répondre à vos besoins spécifiques. Long & McQuaid, 2700 Chemin Sainte-Foy, 418-522-3877. Visitez longandmcquaid.com. What the world needs now is love, sweet love. C'est K. R. L. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. But what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. De retour à Terra Incognita. Alors, ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était la formation Motor Psycho, une formation norvégienne, je pense, qui se passe de présentation, hein, avec, comme je le disais, là, 24 maintenant albums en carrière. Celui-ci, The All Is One, c'était la pièce de Magpie. Et juste avant, Logos, comme je vous disais... C'est inspiré de l'histoire d'une jeune japonaise, Sadako Sasaki, selon qui quiconque va confectionner 1000 petites grues, comme ils disent, des petits oiseaux, comme des petits oiseaux qui flottent là, sur l'eau, en papier, mais pourra voir son vœu exaucé. Alors, c'est devenu une légende et un symbole de la paix au Japon. Sadako. Alors, le gosse a fait un superbe album avec ça. Sadako et les Mille Gru di Carta. On a entendu la pièce titre et la pièce le chef-d'œuvre de cet album, je dirais. Alors, on y va maintenant avec un groupe que je pensais pas qu'on reverrait sur la scène du rock progressif, Osiris, un groupe du Bahreïn. C'est un pays du Moyen-Orient. Il avait fait deux albums pas mal intéressants dans le début des années 80, le néo-prog. Ils n'en ont pas gardé trop de néo-prog là, après ce retour-là, je trouve. En tout cas, il y a beaucoup d'exploration de clavier, des bonnes guitares. Là. C'est un album assez réussi. Là. Ça vient de sortir, donc, l'album Take a Closer Look. On aura la pièce titre de cet album-là, donc, de Osiris. On aura également un second extrait de la nouvelle album de Homunculus Res, un titre en italien que je ne prononcerai pas tellement il est long. Et on en a fait jouer une courte pièce la semaine dernière. Alors maintenant, on a la Salamandra, La salamandre mystique dont on parle dans ça, avec une sonorité là, qui rappelle un peu la caravane, In the Land of Green Ping, cette époque-là. Alors, si vous aimez ce genre de sonorité-là, c'est très, très Canterbury. Homunculus Res. On a également une nouvelle formation norvégienne, Eldsmark. C'est leur album éponyme, premier album. C'est un duo, c'est un prog folk norvégien. Vous allez, je pense qu'on a, plusieurs formations qu'on a découvert qui est un peu dans ce genre-là, si on veut, instrumental. Et également un nouvel album de l'Argentine, le groupe Ilusia, et une pièce instrumentale de leur album, leur premier album, Un sitio sin lugar. Et ce sera la pièce, une pièce qui rappelle un peu Genesis de Wind and Waffering, peut-être, dans les sonorités, là, la pièce Eterno Otoño. On y va tout de suite en musique avec Osiris et Take a Closer Look. Thank you. Con vento caldo, caldo así. sera nel fuoco in me, la salamandra mistica. We'll be right back. CKRL 89.1. Retrouvez Clopel Gag en diffusion sur CKRL. Le radiothon de CKRL fut couronné de succès grâce à votre dévouement et à la collaboration de nos partenaires de premier plan. La Caisse d'économie solidaire Desjardins, la Fabrique culturelle et Télé-Québec, la Caisse Desjardins de Limoilou, la mesure Première Ovation et le restaurant Le Pied Bleu. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. La rentrée est toujours synonyme de nouveautés. Un nouvel enseignant, une nouvelle matière, de nouvelles amitiés ou encore de nouvelles habitudes comme se laver les mains après la récré, avoir un local attitré ou porter un couvre-visage quand on se déplace. Cette année, la rentrée est pleine de nouveautés et elle sera unique comme les autres années. Pour que l'école reste l'école, on a mis des mesures sanitaires en place et on va veiller à ce que chaque élève soit bien encadré. Rendez-vous à québec.ca/rentrée pour une rentrée en toute sécurité. Un message du gouvernement du Québec. D'inspiration amérindienne, la boîte à pain vous offre le Bannick, un pain fait de 30% de farine de maïs pur. Un délice au quotidien. Procurez-vous le Bannick à la boîte à pain pour seulement $4.25. La boîte à pain. Du plaisir à tous les jours. Boiteapain.com. Optez pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale. C'est ce que vous proposent la brasserie artisanale La Corrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20 $ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2 $ valable pour un cruchon d'un litre de bière à La Corrigane. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable, à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Corrigane, 380 rue Dorchester. Et de retour à Terrain Incognita, dernière demi-heure. On jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On avait terminé avec Ilusia, une formation de l'Argentine, leur album Un Sitio Sin Lugar, nouveauté. Ça, c'est paru peut-être au mois de mars. Mais on n'a pas eu l'occasion de vous en faire jouer. Et une pièce instrumentale intitulée Eterno Otoño. Le reste de l'album est chanté plus. Il faut aimer la voix, là. Ça m'a pas moins accroché. Sinon, juste avant, Eldsmark, premier album aussi, formation de la Norvège, et c'est un duo. Et c'était la pièce Vår Skog. Pas mal intéressant, instrumental au complet. Juste avant, Homunculus Res, la salamandra qu'on voit sur la pochette de l'album, et c'est une nouveauté. Et également, on avait débuté avec Osiris, une formation du Bahreïn, Take a Closer Look, un retour après plusieurs années d'absence pour ce groupe qui s'était fait connaître dans les années 80. Ils ont quand même conservé leur son. On les reconnaît. On poursuit maintenant avec de la Norvège Arabs in Aspic, qui avait eu un spécial là, avec la collaboration du groupe d'ailleurs pour l'apparition de ce nouvel album Madness and Magic. Alors on aura cette pièce-là pour débuter. Également un deuxième extrait de Fruteria Tony dont on parlait pas mal la semaine dernière. Leur album El Porvenir Está en la Cuevas, et elles sont de l'Espagne. C'est leur troisième album et ce sera la pièce Agonia en Coquicook. Alors vous irez voir sur notre site pour être certain. Puis on terminera avec Quelque Dice Il Tuono, qui est supposé venir au festival Terrain Incognita cette année. Et vous savez que la guitariste qui a formé ce groupe-là, Francesca, est de retour avec Unreal City. Elle a participé aux enregistrements d'un nouvel album d'Unreal City qui va paraître probablement en 2021. Alors, on en entendra parler encore à cette émission. Alors, donc, on y va tout de suite en musique avec Arabs and Aspics. C'était Marc Chaunet avec vous depuis 22 heures. Restez des nôtres puisqu'il y aura l'autoroute ce soir avec Stéphane Villeneuve. Et alors, bonne soirée en musique. On y va avec Arabs and Aspics. We'll be right back. lives away. Nada me lo va a impedir. Viejo Casanova de estuario, ahora tienes que morir.